professeure de psychologie clinique, psychanalyste et musicothérapeute, Edith Lecourt nous esquisse le portrait psychique du faiseur de bruit. La dimension pulsionnelle est au centre du comportement du bruiteur ordinaire. Il faut distinguer quatre catégories psychologiques de faiseurs de bruit. Le bruiteur, le triqueur, le bruisseur et enfin le charivariste. Edith Lecourt. Donc tout d'abord, le bruiteur. Et j'associe au bruiteur l'hypothèse, puisque c'est chacun de ces portraits lié à une hypothèse, l'hypothèse du traumatisme. Il existe donc des traumatismes acoustiques, qui sont des effractions physiques, mais il existe également des traumatismes que je dirais psychoacoustiques ou sonores, qui sont des effractions psychiques. Et dans ce dernier cas, ce n'est pas l'intensité acoustique qui est en cause, mais la signification, comprise ou non, de ce qui est perçu. Ainsi, par exemple, des éléments de la scène primitive pourront plus tard entraîner un surinvestissement du sonore ou, au contraire, un désinvestissement du sonore en fonction de l'intensité émotionnelle et affective qui leur sont attachées. Je passe directement au deuxième point. J'ai parlé là du ticker. Alors, le ticker est l'hypothèse du conflit entre deux représentations dont l'une est réprimée. Alors, j'emprunte en effet ici directement une analyse à Freud, l'analyse du cas qu'il appelle Amy von N. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui se fait remarquer par un bruit singulier, un claquement de langue avec ouverture brusque des lèvres convulsivement serrées. Ce tic sera apparu 5 ans auparavant lorsque la malade dut veiller sa fillette souffrante et elle craignait de faire quelques bruits qui réveillent l'enfant. Donc Freud montre ici que les manifestations réprimées apparaissent sous la forme de représentations qu'il appelle à ce moment-là des représentations de contraste, si bien qu'Amy, en produisant ces bruits, fait exactement le contraire de ce à quoi elle s'applique consciemment. Freud considère à cette époque qu'il y a sûrement chez ces personnes un état d'épuisement qui fait que le conflit intérieur déborde les possibilités de contrôle de la personne et entraîne donc cette perte de contrôle et cette production de tics sonores. Pour ma part, je soulignerai simplement ici l'importance du pulsionnel dans ces manifestations. Et je me reporterai au bruit quotidien. Les bruits corporels, les bruits intimes, ne sont-ils pas des représentants de ce qui du corps échappe au contrôle? Les roues, l'épée, les gargouillis, les ronflements, je vous laisse poursuivre l'énumération. Bruit que l'éducation, justement, nous sommes d'étouffer. Seul l'enfant jeune peut encore se prévaloir d'être un faiseur de bruit. L'intérêt et le plaisir qu'il prend à ces bruits corporels témoignent de cet investissement libidinal. Je fais ainsi l'hypothèse que ces bruits intimes deviennent des représentants du pulsionnel, donc des représentants de ce qui, du corporel, s'exprime par effraction du contrôle psychique. La troisième piste, il s'agit donc du, ce que j'ai appelé là simplement pour la présentation, le bruisseur. Et je l'associe à une hypothèse plutôt relative, cette fois, à la notion ici de contenant. J'applique ce terme de contenant psychique ici au premier environnement sonore. Et je propose de nommer contenant sonore originel l'environnement sonore fœtal et néonatal. Je le caractériserai sous deux angles. Le premier, donc par des qualités objectives acoustiques. La deuxième caractéristique du contenant sonore originel, ce sont les valeurs attribuées à ces qualités sonores par le milieu familial et l'interprétation qu'il en fait. Il sera en effet faux de ne considérer que l'aspect acoustique. Le contenant sonore originel est une composition originale de ces deux aspects et les interprétations qui en sont faites. Si j'introduis ces notions, c'est pour en arriver à celle du bruissement. J'entends par là la façon dont un individu ou un groupe occupe l'espace sonore. Le bruissement est de l'ordre de la trace. et constitue une des composantes de l'identité sonore. Pour certaines personnes et pour certains groupes, le niveau sonore du bruissement est élevé, ce qui peut entraîner une gêne réelle pour l'entourage, d'autant qu'il ne s'agit, en ce qui concerne le bruissement, qu'un niveau de base, c'est-à-dire c'est le niveau en deçà du bruit des activités. Donc si déjà le niveau de base, le bruissement est élevé, c'est sûr que les activités sonores seront à une intensité relativement élevée. Il existe des pathologies du contenant sonore. L'individu donc, qui n'a pas la possibilité mentalement de contenir son univers sonore est débordé dans les sons et à un point qui peut être très grave et qui peut aller jusqu'à l'impossibilité, par exemple, de distinguer encore la parole parmi tous ces sons environnants et donc de ne plus pouvoir parler non plus. Je reviens à mon quatrième point. Et il s'agit donc des charivaristes, avec une hypothèse qui est encore une hypothèse structurale, qui n'est plus relative au contenant, mais au contenu. L'intensité sonore est utilisée par ces faiseurs de bruit pour provoquer une participation viscérale, immédiate et obligée, c'est-à-dire une emprise physique sur l'autre et une démentalisation de la communication, un court-circuitage de toute pensée. Ces faiseurs de bruit ont en commun avec les charivaristes de la tradition d'utiliser le bruit comme des différenciateurs, c'est-à-dire comme attaque des processus de différenciation, retour à l'indifférencié. À ce stade, le bruit, expression pulsionnelle, et l'expression devient l'expression d'une communauté physiquement ressentie par tous. C'est aussi la façon la plus radicale de réduire l'autre au silence. Rapport de force que l'on rencontre fréquemment chez les adolescents. Mais c'est aussi une façon de faire taire ses propres voix internes. Donc pas seulement la relation à l'autre, mais également la relation avec soi-même.